إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer donc notre cours, aujourd'hui c'est le cours 32 dans l'explication du livre le sharh de Aqidatu Ahl Sunnati wal Jama'a. Et donc on va donc commencer ça inshallah. Ok, on est arrivé au dernier cours, on a expliqué quelques versets à propos de la parole d'Allah. Le dernier verset qu'on avait expliqué, c'était le verset 52 dans Surat Taha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَّةِ » Donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ici lorsqu'il s'est adressé à Moussa alayhi salam du côté de la montagne, le Sinaï, et comment yani, il lui a adressé la parole en l'appelant à voix haute, puis par la suite wa alaykum salam Allah, puis par la suite comment il lui a parlé à voix basse. Donc on a expliqué ça. Maintenant, on est arrivé à un autre verset, qui est le verset 109 dans Surat Al-Kahf. Donc, le Cheikh, il dit, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Le verset 109. Et le cheikh, il explique, donc on va lire la traduction premièrement de ce verset. Donc dans la traduction de Dar Salam, c'est traduit de la façon suivante. Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer s'épuiserait certainement avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur, même si nous y ajoutions une quantité d'eau équivalente. Donc ça c'est la traduction en question, comme on a dit le verset 109 dans Surat Al-Kahf. Et on va lire maintenant dans la traduction de Malik Fahad, Rahimahullah, le verset 109 dit « Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. » Non. Donc ça c'est presque la même chose. Donc. Ici, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit « Qawluhu wa nu'minu bi annahu law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi ila akhirihi » هذا بيان لعظمة الله عز وجل وكلامه والمداد ما يكتب به كالحبر مثلا وقوله تعالى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي سبحان الله البحر على سعته وكثرة مائه وعمقه ينفد قبل أن تنفذ كلمات الله لأن كلمات الله عز وجل دائمة كما أن خلقه دائم فهو إذا خلق فقد أراد وإذا أراد قال كما قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Donc le Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahullah, il dit, et nous croyons que si les océans, hein, les mers, étaient de l'encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, hein, eh bien ça c'est pour indiquer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa parole, et que Al-Midad, c'est en réalité ce avec quoi on écrit, ou ce par quoi les paroles sont écrites, comme de l'encre par exemple. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait, si les océans étaient comme de l'encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, eh bien les océans se seraient épuisés, hein, les océans se seraient épuisés avant que les paroles, hein, de mon Seigneur se soient épuisées, hein. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole, elle est permanente. Et donc le Cheikh, il dit, subhanallah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui. Hein? L'océan, avec sa, on connaît la largeur de l'océan, et la grandeur, et la grande quantité d'eau, et la profondeur de l'océan, et de la mer. Et malgré tout ça, eh bien, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala seraient épuisées. Ce ne serait pas épuisé. Hein? Avant cette encre, avant cette quantité d'eau. Cette grande quantité d'eau serait épuisée avant que se terminent les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh, il dit, c'est-à-dire que les paroles d'Allah sont permanentes. Hein? De la même façon que ces créatures également sont permanentes aussi. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il crée constamment des choses. Hein, il crée continuellement des choses nouvelles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut créer quelque chose, il dit à cette chose, soit et elle est. Hein, comme il le mentionne dans un autre verset, son commandement, lorsqu'il veut quelque chose, c'est qu'il dise uniquement soit et c'est. Hein, il lui ordonne d'être et elle est. Dans un autre verset, qui est le verset 27, dans sourate Luqman, c'est le verset suivant dans le livre qui est mentionné, il dit un verset qui est dans ce sens là aussi, qui est proche de ce sens qu'on vient de lire, walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Donc cette parole est traduite de la façon suivante par Dar al-Salam, dans la traduction de Dar al-Salam: même si tous les arbres de la terre étaient des kalam, c'est-à-dire des plumes, hein, pour écrire, même si l'océan était un océan d'encre où confluerait sept autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Allah est certes tout puissant et sage. Hein? Donc ça c'est la traduction. Ici on va voir dans la traduction de Malik Fahad, est-ce qu'il y a une différence dans cette traduction-là? C'est bien de comparer, parfois il y a des petites nuances. Il dit ici dans cette traduction, quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calam, en plume pour écrire, et quand bien même l'océan serait un océan d'encre où confluerait sept autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. Car Allah est puissant et sage. Donc, on voit donc la signification ici de ce verset-là. On va voir les commentaires. Qu'est-ce que Cheikh Ibn Uthaymin a dit à ce sujet-là? Il explique ici, il dit, le Cheikh, il dit, « قَوْلُهُ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ » لو هذه شرطية ما هنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هنا اسم موصول يعني ولو أنما نعم اسم يعني ما موصول أقلام يعني خبر أن خبر أن ومعنى الآية ولو أن الذي في الأرض من أشجار أقلام. Donc le verset là, qu'est-ce que yani le verset, le cheikh il est en train d'expliquer. Là, il fait l'analyse grammaticale de la phrase. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si ce qui existe sur terre comme arbre, si ce qu'il y a sur terre comme arbre était des plumes, si tous les arbres qu'il y a sur terre, vous voyez la quantité d'arbres qui existent sur terre, si tous ces arbres étaient des plumes pour écrire, wa alaykum salam wa rahmatullah. Et le cheikh il dit, wal kitabatu fil ayati muttasilatun ma bi an fi annama وهو خلاف القاعدة المصطلح عليها الآن لأن المصطلح عليه الآن أن ما لا تربط بأن أن ما لا تربط بأن إلا إذا كانت للحصر أما إذا كانت ما اسما موصولا فإنها تفك من أن فلو كتبنا هذه الآية على حسب الاستلاح اليوم لكانت أن وحدها وما وحدها ونظيرها تماما كلما فإذا جعلت ما اسما موصولا فإنك تفصلها عن كل عن كل إذا جعلت كلما أداة شرط فإنك تربطها بكل. Donc ici le cheikh il explique un point qui est par rapport à la grammaire et il explique que en réalité innama selon la règle qui est appliquée actuellement on les sépare si c'est un ma dans le sens de ism mawsoul ça veut dire yani, comment on dit ça en français? Un pronom relatif. Donc, quand c'est dans le sens d'un pronom relatif, dans ce cas-là, on les sépare. Et on les colle ensemble uniquement lorsque c'est pour une restriction. L'hasr. Mais, il dit que ici, c'est, dans le mushaf, c'est écrit comme ça. Sauf que malgré que c'est écrit comme ça, c'est le sens, c'est malgré tout, c'est dans le sens d'un pronom relatif, ou bien plutôt en arabe, ism mawsoul. Et, na'am, et law, walaw annama, anna c'est, il dit ma c'est ism mawsoul, wa aqlam khabar an. Bon. Donc ça c'est dans le sens, c'est pour donner, expliquer le sens de la phrase. Ici vous dites وَقَوْلُهُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ اللَّهُ أَكْبَرُ هَذِهِ أَعْظَمُ مِنَ الْآيَةِ الْأُولَى فَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ أي بزيادة عن الضعف الأول، ستة أضعاف عن الضعف، يعني بزيادة عن الضعف الأول، يعني ستة أضعاف. Donc le cheikh il explique que dans le premier verset qu'on a lu tout à l'heure, on disait que si l'océan était de l'encre, hein, et là dans ce verset là non seulement on dit ça, mais on dit yani que si tous les arbres étaient des plumes et que l'océan, hein, l'océan était alimenté par sept autres océans. Donc ça veut dire un océan alimenté par sept autres. Donc c'est comme si c'est six fois plus d'océans. La quantité est encore plus grande que dans le premier. Donc c'est pour dire que, yani, c'est pour montrer à quel point les paroles d'Allah ne peuvent jamais s'épuiser. D'accord ? Et il mentionne ensuite le verset suivant. Ou bien plutôt, il continue d'expliquer le verset en question, mais il dit « قَوْلُهُ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » Le cheikh, il explique, c'est-à-dire la parole d'Allah ne serait pas épuisée, et Allah est sage et puissant, ou puissant et sage. Il dit « يَعْنِي لَوْ جُمِعَ جَمِيعَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ أَشْجَارِ وجعلت أقلاما وأضيف إلى البحر سبعة أبحر فإنه لا تنفد كلمات الله وإن الله عزيز حكيم وهذا يدلك على عظمة الرب عز وجل وكثرة مخلوقاته وإرادته سبحانه وتعالى وكل هذه الآيات تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. Donc le cheikh il résume le sens du verset. Il dit que si on aurait réuni tout cet océan avec sept autres et que tous les arbres sur terre étaient des plumes, hein, et que cet océan était alimenté par sept autres océans, eh bien les paroles d'Allah ne seraient pas épuisées, hein, avant que, c'est-à-dire l'encre serait épuisée, l'eau de ces océans-là serait épuisée avant que la parole d'Allah soit épuisée. Allah est certes puissant et sage. Et ça indique une chose, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la grande quantité de ses créatures et de sa volonté. Et que dans tout ça, il y a également une preuve pour indiquer que Allah subhanahu wa ta'ala, il possède l'attribut de la parole. Il possède l'attribut de la parole. Donc le cheikh il explique ensuite maintenant un résumé. Il dit wal khulasatu anna ahl sunnah wal jamaa'a ja'ana Allahu ta'ala wa iyyakum minhum wa amatana 'ala dhalik yu'minuna bi anna Allah yatakallamu bima sha' mata sha' kayfa sha' wa anna kalamahu wa wasfahu وأن كلامه وصفه لا فعله وأن كلامه وصفه لا فعله وأن كلامه بحرف وصوت وأن كلامه يكون أحيانا بنداء وأحيانا بمناجاة والنداء هو الكلام الرفيع والمناجاة هو الكلام الخفيف كل هذا نؤمن. Non. Donc le cheikh dit en résumé la position d'Ahl Sunnah et il dit on demande que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi eux, c'est-à-dire parmi les gens d'Ahl Sunnah, et qu'il nous fasse mourir sur leur voie, et bien les gens de la Sunnah nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala parle comme il veut quand il veut, et hein, il dit ce qu'il veut, et que sa parole c'est son attribut, hein, il parle comme il veut, et également c'est sa parole elle est composée de lettres et elle est audible par une voix, et sa parole, elle est parfois une parole qu'on peut entendre et qui est audible et qui est forte et en est haute ou élevée, tandis que des fois il peut parler également avec une voix qui est basse. Hein? Il peut parler à voix haute, il peut parler à voix basse. Tout ça, nous devons y croire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a employé le terme al-nida, qui veut dire la parole élevée, et al-munajat ou al-najwa, qui signifie la parole à voix basse. Il dit: وهناك مذاهب في كلام الله لكن نحن نذكر مذهبين مشهورين. أولا مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة. ثانيا المذهب مذهب المعتزلة. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que on a expliqué ça au dernier cours, les questions des divergences en ce qui concerne les Mu'tazila et les Asha'ira. Puis on va y revenir au prochain cours. C'est juste que si on commence à expliquer ça maintenant, on n'aura pas assez de temps par la suite. Donc on va s'arrêter ici tout de suite pour ce cours-là. Puis on va tout de suite commencer notre cours de tafsir. البقرة